Chapitre 7. C'était au plan des dames, dans cette vaste clairière, qu'une coupe de bois venait d'ouvrir. Elle s'allongeait en une pente douce, ceinte d'une haute futaie. Des hêtres superbes dont les troncs droits et réguliers l'entouraient d'une colonnade blanche, verdie de lichen. Et des géants abattus gisaient encore dans l'herbe, tandis que vers la gauche, un tas de bois débité alignait son cube géométrique. Le froid s'aiguisait avec le crépuscule. Les mouches gelées craquaient sous les pas. Il faisait nuit noire à terre. Les branches hautes se découpaient sur le ciel pâle où la lune pleine, montant à l'horizon, allait éteindre les étoiles. Près de 3000 charbonniers étaient au rendez-vous. Une foule grouillante, des hommes, des femmes, des enfants, emplissant peu à peu la clairière, débordant au loin sous les arbres. Et des retardataires arrivaient toujours. Le flot des têtes, noyé d'ombre, s'élargissait jusqu'au taillis voisin. Un grondement en sortait, pareil à un vent d'orage dans cette forêt immobile et glacée. En haut, dominant la pente, Étienne se tenait avec Rasseneur et Maheu. Une querelle s'était élevée. On entendait leurs voix par éclats brusques. Près d'eux, des hommes les écoutaient. Levaque, les poings serrés. Pierron, tournant le dos, très inquiet de n'avoir pu prétexter des fièvres plus longtemps. Et il y avait aussi le père Bonnemort et le vieux Mouque, côte à côte sur une souche, l'air profondément réfléchi. Puis derrière, les blagueurs étaient là, Zacharie, Mouquet, d'autres encore venus pour rire. Tandis que recueillis, au contraire, graves ainsi qu'à l'église, des femmes se mettaient en groupe. La Maheude muette hochait la tête au sourd juron de la Levaque, Philomène toussait, reprise de sa bronchite depuis l'hiver. Seule la Mouquette riait à belles dents, égayée par la façon dont la Brûlée traitait sa fille, une dénaturée qui la renvoyait pour se gaver de lapin, une vendue, engraissée des lâchetés de son homme. Et sur le tas de bois, Jeanlin s'était planté, hissant Lydie, forçant Bébert à le suivre, tous les trois en l'air, plus haut que tout le monde. La querelle venait de Rasseneur, qui voulait procéder régulièrement à l'élection d'un bureau. Sa défaite au bon joyeux l'enrageait. Et il s'était juré d'avoir sa revanche, car il se flattait de reconquérir son autorité ancienne lorsqu'on serait en face non plus des délégués, mais du peuple des mineurs. Étienne, révolté, avait trouvé l'idée d'un bureau imbécile dans cette forêt. Il fallait agir révolutionnairement en sauvage, puisqu'on les traquait comme des loups. Voyant la dispute s'éterniser, il s'empara tout d'un coup de la foule. Il monta sur un tronc d'arbre en criant « Camarades ! Camarades !» La rumeur confuse de ce peuple s'éteignit dans un long soupir, tandis que Maheu étouffait des protestations de Rasseneur. Étienne continuait d'une voix éclatante. « Camarades, puisqu'on nous défend de parler, puisqu'on nous envoie les gendarmes, comme si nous étions des brigands, c'est ici qu'il faut nous entendre. Ici nous sommes libres, nous sommes chez nous, personne ne viendra nous faire taire, pas plus qu'on ne fait taire les oiseaux et les bêtes. » Un tonnerre lui répondit, des cris, des exclamations. « Oui, oui, la forêt est à nous, on a bien le droit d'y causer, parle !» Alors Étienne se tint un instant immobile sur le tronc d'arbre. La lune trop basse encore à l'horizon n'éclairait toujours que les branches hautes, et la foule restait noyée de ténèbres, peu à peu calmée, silencieuse. Lui, noir également, faisait au-dessus d'elle, en haut de la pente, une barre d'ombre. Il leva un bras dans un geste lent. Il commença. Mais sa voix ne grondait plus. Il avait pris le ton froid d'un simple mandataire du peuple qui rend ses comptes. Enfin, il plaçait le discours que le commissaire de police lui avait coupé au bon joyeux. Et il débutait par un historique rapide de la grève en affectant l'éloquence scientifique. Des faits, rien que des faits. D'abord, il dit sa répugnance contre la grève. Les mineurs ne l'avaient pas voulu. C'était la direction qui les avait provoqués avec son nouveau tarif de boisage. Puis il rappela la première démarche des délégués chez le directeur, la mauvaise foi de la régie, et plus tard, lors de la seconde démarche, sa concession tardive, les 10 centimes qu'elle rendait après avoir tâché de les voler. Maintenant on en était là. Il établissait par des chiffres le vide de la caisse de prévoyance, indiquait l'emploi des secours envoyés, excusez en quelques phrases l'international. Pluchart et les autres de ne pouvoir faire davantage pour eux au milieu des soucis de leur conquête du monde. Donc la situation s'aggravait de jour en jour. La compagnie renvoyait les livrées et menaçait d'embaucher des ouvriers en Belgique. En outre, elle intimidait les faibles. Elle avait décidé un certain nombre de mineurs à redescendre. Il gardait sa voix monotone comme pour insister sur ces mauvaises nouvelles. Il disait la fin victorieuse, l'espoir mort, la lutte arrivée aux fièvres dernières du courage. Et brusquement, il conclut, sans hausser le ton. « C'est dans ces circonstances, camarades, que vous devez prendre une décision ce soir. Voulez-vous la continuation de la grève? Et en ce cas, que comptez-vous faire pour triompher de la compagnie ?» Un silence profond tomba du ciel étoilé. La foule qu'on ne voyait pas se taisait dans la nuit, sous cette parole qui lui étouffait le cœur, et l'on n'entendait que son souffle désespéré au travers des arbres. Mais Étienne déjà continuait d'une voix changée. Ce n'était plus le secrétaire de l'association qui parlait, c'était le chef de bande, l'apôtre apportant la vérité. Est-ce qu'ils se trouvaient des lâches pour manquer à leur parole? Quoi? Depuis un mois on aurait souffert inutilement? On retournerait aux fosses, la tête basse, et l'éternelle misère recommencerait? Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite, en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui affamait le travailleur? Toujours se soumettre devant la faim, jusqu'au moment où la faim, de nouveau, jetait les plus calmes à la révolte, n'était-ce pas un jeu stupide qui ne pouvait durer davantage? Et il montrait les mineurs exploités, supportant à eux seuls les désastres des crises, réduits à ne plus manger dès que les nécessités de la concurrence abaissaient le prix de revient. Non, le tarif de boisage n'était pas acceptable. Il n'y avait là qu'une économie déguisée. On voulait voler à chaque homme une heure de son travail par jour. C'était trop cette fois. Le temps venait où les misérables, poussés à bout, feraient justice. Il resta les bras en l'air. La foule à ce mot de justice, secouée d'un long frisson, éclata en applaudissements qui roulaient avec un bruit de feuilles sèches. Des voix criaient « Justice ! Il est temps, justice !» Peu à peu, Étienne s'échauffait. Il n'avait pas l'abondance facile et coulante de Rasseneur. Les mots lui manquaient souvent. Il devait torturer sa phrase. Il en sortait par un effort qu'il appuyait d'un coup d'épaule. Seulement, à ces heures continuelles, il rencontrait des images d'une énergie familière qui empoignait son auditoire. Tandis que ses gestes d'ouvriers au chantier, ses coudes rentrés, puis détendus et lançant les poings en avant, sa mâchoire brusquement avancée, comme pour mordre, avaient eux aussi une action extraordinaire sur les camarades. Tous le disaient, il n'était pas grand, mais il se faisait écouter. « Le salariat est une forme nouvelle de l'esclavage, » reprit-il d'une voix plus vibrante. « La mine doit être aux mineurs, comme la mer est aux pêcheurs, comme la terre est aux paysans. Entendez-vous? La mine vous appartient, à vous tous qui, depuis un siècle, l'avez payée de tant de sang et de misère. » Carrément, il aborda des questions obscures de droit, le défilé des lois spéciales sur les mines où il se perdait. Le sous-sol comme le sol était à la nation. Seul un privilège odieux en assurait le monopole à des compagnies. D'autant plus que pour Montsou, la prétendue légalité des concessions se compliquait des traités passés jadis avec les propriétaires des anciens fiefs, selon la vieille coutume du Hainaut. Le peuple des mineurs n'avait donc qu'à reconquérir son bien, et les mains tendues, il indiquait le pays entier au-delà de la forêt. À ce moment, la lune qui montait de l'horizon, glissant des hautes branches, l'éclaira. Lorsque la foule encore dans l'ombre l'aperçut ainsi, blanc de lumière, distribuant la fortune de ses mains ouvertes, elle applaudit de nouveau d'un battement prolongé. « Oui, oui, il a raison, bravo, bravo !» Dès lors, Étienne chevauchait sa question favorite. L'attribution des instruments de travail à la collectivité, ainsi qu'il le répétait en une phrase, dont la barbarie le grattait délicieusement. Chez lui, à cette heure, l'évolution était complète. Parti de la fraternité attendrie des catéchumènes, du besoin de réformer le salariat, il aboutissait à l'idée politique de le supprimer. Depuis la réunion du Bon Joyeux, son collectivisme encore humanitaire et sans formule s'était raidi en un programme compliqué dont il discutait scientifiquement chaque article. D'abord, Il posait que la liberté ne pouvait être obtenue que par la destruction de l'État. Puis, quand le peuple se serait emparé du gouvernement, les réformes commenceraient. Retour à la commune primitive, substitution d'une famille égalitaire et libre à la famille morale et oppressive, égalité absolue, civile, politique et économique, garantie de l'indépendance individuelle grâce à la possession et au produit intégral des outils du travail, enfin, instruction professionnelle et gratuite, payée par la collectivité. Cela entraînait une refonte totale de la vieille société pourrie. Il attaquait le mariage, le droit de tester, il réglementait la fortune de chacun, il jetait bas le monument inique des siècles morts, d'un grand geste de son bras, toujours le même, le geste du faucheur qui rase la moisson mûre. Et il reconstruisait ensuite de l'autre main, il bâtissait la future humanité, l'édifice de vérité et de justice, grandissant dans l'aurore du XXe siècle. À cette tension cérébrale, la raison chancelait. Il ne restait que l'idée fixe du sectaire. Les scrupules de sa sensibilité et de son bon sens étaient emportés. Rien ne devenait plus facile que la réalisation de ce monde nouveau. Il avait tout prévu. Il en parlait comme d'une machine qu'il monterait en 2 heures, et ni le feu ni le sang ne lui coûtaient. « Notre tour est venu !» lança-t-il dans un dernier éclat. « C'est à nous d'avoir le pouvoir et la richesse !» Une acclamation roula jusqu'à lui, du fond de la forêt. La lune maintenant blanchissait toute la clairière, découpée en arêtes vives la houle des têtes, jusqu'au lointain confus des taillis, entre les grands troncs grisâtres. Et c'était sous l'air glacial une furie de visages, des yeux luisants, des bouches ouvertes tout un rude du peuple, les hommes, les femmes, les enfants, affamés et lâchés au juste pillage de l'antique bien dont on les dépossédait. Ils ne sentaient plus le froid, ces ardentes paroles les avaient chauffés aux entrailles. Une exaltation religieuse les soulevait de terre. La fièvre d'espoir des premiers chrétiens de l'Église attendant le règne prochain de la justice. Bien des phrases obscures leur avaient échappé, ils n'entendaient guère ces raisonnements techniques et abstraits, mais l'obscurité même, l'abstraction élargissait encore le champ des promesses, les enlevait dans un éblouissement. Quel rêve! Être les maîtres, cesser de souffrir, jouir enfin! C'est ça, nom de Dieu! À notre tour! Mort aux exploiteurs! Les femmes déliraient. La Maheude sortit de son calme, prise du vertige de la faim, la levaque hurlante, la vieille brûlée hors d'elle agitant des bras de sorcière. Et Philomène secouée d'un accent de toux, et la mouquette si allumée qu'elle criait des mots tendres à l'orateur. Parmi les hommes, Maheu conquis avait eu un cri de colère entre Pierron tremblant et Levaque qui parlait trop, tandis que les blagueurs, Zacharie et Mouquet, essayaient de ricaner mal à l'aise, étonnés que le camarade eût pu en dire si long sans boire un coup. Mais sur le tas de bois, Jeanlin menait encore le plus de vacarme, excitant Bébert et Lydie, agitant le panier où Pologne gisait. La clameur recommença. Étienne goûtait l'ivresse de sa popularité. C'était son pouvoir qu'il tenait, comme matérialisé dans ses 3000 poitrines dont il faisait d'un don battre les cœurs. Souvarine, s'il avait daigné venir, aurait applaudi ses idées à mesure qu'il les aurait reconnues, content des progrès anarchiques de son élève, satisfait du programme, sauf l'article sur l'instruction, un reste de niaiserie sentimentale, car la sainte et salutaire ignorance devait être le bain où se retremperaient les hommes. Quant à Rasseneur, il haussait les épaules de dédain et de colère. « Tu me laisseras parler » cria-t-il à Étienne. Celui-ci sauta du tronc d'arme. « Parle, nous verrons s'il t'écoute. » Déjà Rasseneur l'avait remplacé et réclamé du geste le silence. Le bruit ne se calmait pas, son nom circulait des premiers rangs qu'il avait reconnus aux derniers perdus sous les hêtres. Et l'on refusait de l'entendre. C'était une idole renversée, dont la vue seule fâchait ses anciens fidèles. Son élocution facile, sa parole coulante et bonne enfant, qui avait si longtemps charmé, était traitée à cette heure de tisane tiède, faite pour endormir les lâches. Vainement il parla dans le bruit. Il voulut reprendre le discours d'apaisement qu'il promenait, l'impossibilité de changer le monde à coups de loi, la nécessité de laisser à l'évolution sociale le temps de s'accomplir. On le plaisantait, on le chutait, sa défaite du bon joyeux s'aggravait encore et devenait irrémédiable. On finit par lui jeter des poignées de mousse gelée. Une femme cria d'une voix aiguë « À bas le traître !» Il expliquait que la mine ne pouvait être la priorité du mineur, comme le métier est celle du tisserand, et il disait préférer la participation aux bénéfices, l'ouvrier intéressé, devenu l'enfant de la maison. « À bas le traître !» répétèrent mille voix, tandis que des pierres commençaient à siffler. Alors il pâlit. Un désespoir lui emplit les yeux de larmes. C'était l'écroulement de son existence. 20 années de camaraderie ambitieuse qui s'effondraient sous l'ingratitude de la foule. Il descendit du tronc d'arbre, frappé au cœur, sans force pour continuer. « Ça te fait rire » bégaya-t-il en s'adressant à Étienne triomphant. « C'est bon, je souhaite que ça t'arrive. Ça t'arrivera, entends-tu ?» Et comme pour rejeter toute responsabilité dans les malheurs qu'il prévoyait, il fit un grand geste. Il s'éloigna seul à travers la campagne muette et blanche. Des huées s'élevaient, et l'on fut surpris d'apercevoir debout sur le tronc le père Bonnemort en train de parler au milieu du vacarme. Jusque-là, Mouque et lui s'étaient tenus absorbés dans cet air qu'ils avaient de toujours réfléchir à des choses anciennes. Sans doute il cédait à une de ces crises soudaines de bavardage qui, parfois, remuait en lui le passé, si violemment que des souvenirs remontaient et coulaient de ses lèvres pendant des heures. Un grand silence s'était fait. On écoutait ce vieillard d'une pâleur de spectre sous la lune. Et comme il racontait des choses sans lien immédiat avec la discussion, de longues histoires que personne ne pouvait comprendre, le saisissement augmenta. C'était de sa jeunesse qu'il causait. Il disait la mort de ses deux oncles écrasés au Voreux. Puis il passait à la fluxion de poitrine qui avait emporté sa femme. Pourtant, il ne lâchait pas son idée. Ça n'avait jamais bien marché, et ça ne marcherait jamais bien. Ainsi, dans la forêt, il s'était réuni 500, parce que le roi ne voulait pas diminuer les heures de travail. Mais il reste sa cour. Il commença le récit d'une autre grève. Il en avait tant vu. Toutes aboutissaient sous ses arbres, ici, au plan des dames, là-bas, à la charbonnerie, plus loin encore vers le Sceau du Loup. Des fois il gelait, des fois il faisait chaud. Un soir, il avait plu si fort qu'on était rentré sans avoir rien pu se dire, et les soldats du roi arrivaient, et ça finissait par des coups de fusil. Nous levions la main comme ça, nous jurions de ne pas redescendre. Ah, j'ai juré, oui, j'ai juré. La foule écoutait, béante, prise d'un malaise, lorsqu'Étienne, qui suivait la sienne, sauta sur l'arbre abattu et garda le vieillard à son côté. Il venait de reconnaître Chaval parmi les amis au premier rang. L'idée que Catherine devait être là l'avait soulevé d'une nouvelle flamme, d'un besoin de se faire acclamer devant elle. « Camarade, vous avez entendu, voilà un de nos anciens, voilà ce qu'il a souffert et ce que nos enfants souffriront si nous n'en finissons pas avec les voleurs et les bourreaux. » Il fut terrible. Jamais il n'avait parlé si violemment. D'un bras, il maintenait le vieux Bonnemort. Il l'étalait comme un drapeau de misère et de deuil, criant vengeance. En phrases rapides, il remontait au premier Maheu. Il montrait toute cette famille usée à la mine, mangée par la compagnie, plus affamée après 100 ans de travail, et devant elle, il mettait ensuite les ventres de la régie, qui suaient l'argent, toute la bande des actionnaires entretenues comme des filles depuis un siècle, à ne rien faire, à jouir de leur corps. N'était-ce pas effroyable? Un peuple d'hommes crevant au fond de père en fils pour compter des pots de vin à des ministres, pour que des générations de grands seigneurs et de bourgeois donnent des fêtes ou s'engraissent au coin de leur feu. Il avait étudié les maladies des mineurs. Il les faisait défiler toutes, avec des détails effrayants. L'anémie, les scrofules, la bronchite noire, l'asthme qui étouffe, les rhumatismes qui paralysent. Ces misérables, on les jetait en pâture aux machines, on les parquait ainsi que du bétail dans les corons. Les grandes compagnies les absorbaient peu à peu, réglementant l'esclavage, menaçant d'enrégimenter tous les travailleurs d'une nation, des millions de bras pour la fortune d'un millier de paresseux. Mais le mineur n'était plus l'ignorant, Mais le mineur n'était plus l'ignorant. La brute écrasée dans les entrailles du sol, une armée poussée des profondeurs des fosses, une moisson de citoyens dont la semence germait et ferait éclater la terre un jour de grand soleil. Et l'on saurait alors si, après 40 années de service, on oserait offrir 150 francs de pension à un vieillard de 60 ans, crachant de la houille, les jambes enflées par l'eau des tailles. Oui, le travail demanderait des comptes au capital, à ce dieu impersonnel, inconnu de l'ouvrier, accroupi quelque part dans le mystère de son tabernacle, d'où il suçait la vie des mœurs de faim qui le nourrissaient. On irait là-bas, on finirait bien par lui voir la face aux clartés des incendies. On le noierait sous le sang, ce pourceau immonde, cette idole monstrueuse, gorgée de chair humaine. Il se tut, mais son bras toujours tendu dans le vide désignait l'ennemi là-bas, il ne savait où, d'un bout à l'autre de la terre. Cette fois, la clameur de la foule fut si haute que les bourgeois de Montsou l'entendirent et regardèrent du côté de Vandame, pris d'inquiétude à l'idée de quelque éboulement formidable. Des oiseaux de nuit s'élevaient au-dessus des bois, dans le grand ciel clair. Lui tout de suite voulut conclure. « Camarades, quelle est votre décision? Votez-vous la continuation de la grève ?»« Oui, oui, oui !» hurlèrent les voix. « Et quelles mesures arrêtez-vous? Notre défaite est certaine si des lâches descendent demain. » Les voix reprirent avec leur souffle de tempête. « Mort aux lâches !» Vous décidez donc de les rappeler au devoir, à la foi jurée? Voici ce que nous pourrions faire. Nous présenter aux fosses, ramener les traîtres par notre présence, montrer à la compagnie que nous sommes tous d'accord et que nous mourrons plutôt que de céder. C'est cela, oui, aux fosses, aux fosses !» Depuis qu'il parlait, Étienne avait cherché Catherine parmi les têtes pâles grondantes devant lui. Elle n'y était décidément pas, mais il voyait toujours Chaval qui affectait de ricaner en haussant les épaules, dévoré de jalousie, prêt à se vendre pour un peu de cette popularité. « Et s'il y a des mouchards parmi nous, camarades ?» continua Étienne. « Qu'ils se méfient. On les connaît. Oui, je vois des charbonniers de Vandame qui n'ont pas quitté leur fosse. »« C'est pour moi que tu dis ça ?» demanda Chaval d'un air de bravade. « Pour toi ou pour un autre. Mais puisque tu parles, tu devrais comprendre que ceux qui mangent n'ont rien à faire avec ceux qui ont faim. Tu travailles à Jean Bart. » Une voix gouailleuse interrompit. « Oh, il travaille. Il a une femme qui travaille pour lui. » Chaval jura le sang au visage. « Nom de Dieu, c'est défendu de travailler alors ?»« Oui !» cria Étienne quand les camarades endurent la misère. « Oui !» cria Étienne. « Quand les camarades endurent la misère pour le bien de tous, c'est défendu de se mettre en égoïste et en cafard du côté des patrons. Si la grève était générale, il y a longtemps que nous serions les maîtres. Est-ce qu'un seul homme de Vandame aurait dû descendre lorsque Montsou a chômé? Le grand coup, ce serait que le travail s'arrêta dans le pays entier, chez Monsieur de Nelin comme ici. Entends-tu? Il n'y a que des traîtres aux tailles de Jean Bart. Vous êtes tous des traîtres. » Autour de Chaval, la foule devenait menaçante. Des poings se levaient, des cris. « À mort! À mort !» commençait-on à gronder. Il avait blêmi, mais dans sa rage de triompher d'Étienne, une idée le redressa. « Écoutez donc, venez demain à Jean Bart, et vous verrez si je travaille. Nous sommes des vôtres, on m'a envoyé vous dire ça. Faut éteindre les feux, faut que les machineurs aussi se mettent en grève. Tant mieux si les pompes s'arrêtent, l'eau crèvera les fosses, tout sera foutu. » On l'applaudit furieusement à son tour. Et dès lors, Étienne lui-même fut débordé. Des orateurs se succédaient sur le tronc d'arbre, gesticulant dans le bruit, lançant des propositions farouches. C'était le coup de folie de la foi, l'impatience d'une secte religieuse qui, lasse d'espérer le miracle attendu, se décidait à le provoquer enfin. Les têtes, vidées par la famine, voyaient rouge, rêvaient d'incendie et de sang au milieu d'une gloire d'apothéose, où montait le bonheur universel. Et la lune tranquille baignait cette houle. La forêt profonde saignait de son grand silence ce cri de massacre. Seules les mousses gelées craquaient sous les talons, tandis que les hêtres, debout dans leur force, avec les délicates ramures de leurs branches, noires sur le ciel blanc, n'apercevaient ni n'entendaient les êtres misérables qui s'agitait à leurs pieds. Il y eut des poussées. La Maheude se retrouva près de Maheu, et l'un et l'autre sortis de leur bon sens, emportés dans la lente exaspération dont ils étaient travaillés depuis des mois, approuvèrent Levaque, qui renchérissait en demandant la tête des ingénieurs. Pierron avait disparu. Bonnemort et Mouque causaient à la fois, disaient des choses vagues et violentes qu'on ne distinguait pas. Par blague, Zacharie réclama la démolition des églises, pendant que Mouquet, sa crosse à la main, en tapait la terre, histoire simplement d'augmenter le bruit. Les femmes s'enrageaient, la Levaque, les poings aux hanches, s'empoignait avec Philomène qu'elle accusait d'avoir ri. La Mouquette parlait de démonter les gendarmes à coups de pied quelque part. La Brûlée, qui venait de gifler Lydie, en la retrouvant sans panier ni salade, continuait d'allonger des claques dans le vide pour tous les patrons qu'elle aurait voulu tenir. Un instant, Jeanlin était resté suffoqué, Bébert ayant appris par un galibot que Madame Rasseneur les avait vus voler Pologne. Mais lorsqu'il eut décidé qu'il retournerait lâcher furtivement la bête à la porte de l'avantage, il hurla plus fort. Il ouvrit son couteau neuf, dont il brandissait la lame, glorieux de la faire luire. « Camarades ! Camarades !» répétait Étienne épuisé, enroué à vouloir obtenir une minute de silence pour s'entendre définitivement. Enfin, on l'écouta. « Camarades ! Demain matin à Jean Bart ! Est-ce convenu ?»« Oui, oui, à Jean Bart ! Mort aux traîtres !» L'ouragan de ces 3000 voix emplit le ciel et s'éteignit dans la clarté pure de la lune.